L'Association d'études de la politique de Sungun, le Cercle d'études des études Juche, l'Association d'amitié avec la Corée et le comité préparatoire pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'action 2017 de la Grande-Bretagne ont publié en commun le 29 juillet une déclaration contre les États-Unis qui ont ouvertement dévoilé la tentative de rejeter à notre République la responsabilité de l'aggravation de la tension dans la péninsule coréenne lors de la conférence ministérielle du Forum d'ASEAN.